Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Du général au président, un itinéraire gaulliste » par Christelle Le Polotec et Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle, les 50 ans de sa mort et les 80 ans de l'appel du 18 juin, fondateur de la Résistance et amorce de la mise en place de la figure présidentielle, puisqu'en France, le président n'est président qu'après le général, le mon général qui a créé son costume à sa démesure. Alors pour commencer, les personnages. Un historien des symboles, une historienne de la monarchie, des journalistes aux aguets, un psychanalyste et des archivistes. Ensuite, le décor. Colombelles et deux églises, des bains de foule, les préfectures et les sous-préfectures, mine de rien, les pleins pouvoirs, des Marseillaises enthousiastes et une certaine mélancolie. Aujourd'hui, troisième épisode, on est dans le sein des saints. Là, nous pénétrons dans la partie qu'on appelle le coffre précieux des Archives nationales, donc ce bâtiment de grande hauteur, de 10 étages, où sont conservés dans les magasins sécurisés toute la mémoire de la nation depuis 1789. Le référendum de dimanche sera un acte du peuple, c'est-à-dire simple et portant loin. Sans doute est-ce sur la Constitution que le pays va se prononcer, mais tout le monde sent que le vote ne signifiera pas seulement l'approbation formelle d'un texte. Il s'agit du destin de la France. Le costume du président est la Ve République, aux origines, à l'ombre de Gaulle. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Vincent Deck. Du fait que notre pays aura marqué sa volonté d'échapper à la confusion où se débattait le régime des partis, un autre esprit pourra, s'il le veut, animer la politique et d'autres pouvoirs verront le jour. C'est donc une république nouvelle qui va être instituée. Vive la République! Vive la France! L'incarnation présidentielle, ou plutôt le défaut d'incarnation, n'a cessé de faire débat au cours des précédents quinquennats. Parce que le président de la Ve République a tous les pouvoirs, ou presque, comparé à ses prédécesseurs occupés à inaugurer les chrysanthèmes, il se doit d'incarner la France, l'âme de la France, l'unité de la nation. Est-ce qu'un tel président existe ? Oui. En tout cas, il y en a un qui s'est fait tailler le costume sur mesure, c'est De Gaulle, sauveur de la France et fondateur de la Ve République en 58. Dans Mémoire d'espoir, il écrit « Il est vrai que la constitution que j'ai fait adopter par le pays définit les attributions des diverses autorités, mais sans contredire l'idée que le peuple et moi, nous faisons de mes obligations. Que le président soit, comme cela est formulé, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, voilà qui ne fait qu'exprimer le rôle capital qui est le mien à mes yeux et à ceux des citoyens. Certes, il existe un gouvernement qui détermine la politique de la nation. Mais tout le monde sait et attend qu'il procède de mon choix et n'agisse que moyennant ma confiance. Certes, il y a un Parlement, dont l'une des deux chambres a la faculté de censurer les ministres. Mais la masse nationale et moi-même ne voyons là rien qui limite ma responsabilité, d'autant mieux que je suis juridiquement en mesure de dissoudre, le cas échéant, l'Assemblée opposante, d'en appeler au pays au-dessus du Parlement par la voie du référendum, et en cas de péril public, de prendre toutes les mesures qui me paraîtraient nécessaires. Aujourd'hui donc, retour sur le modèle original de la figure présidentielle incarnée par De Gaulle. Olivier Hill, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Quels sont finalement les pouvoirs du président au cours de la Ve République ? Alors d'abord, il faut rappeler que ces pouvoirs sont extraordinairement étendus. Peu ou pas d'équivalent de par le monde, j'entends de démocratie libérale, constitutionnelle. C'est un homme qui incarne un pouvoir presque absolu, on peut le dire. Les compétences qui lui sont reconnues par la Constitution d'octobre 1958 sont extrêmement vastes. Depuis l'accès évidemment à l'arme nucléaire, le chef des armées, responsable de la diplomatie, il a ce qu'on appelle ce fameux domaine réservé, c'est-à-dire un ensemble de compétences qu'il exerce seul et pratiquement, on peut le dire, sans contrôle législatif. Dans le domaine de nomination des hauts fonctionnaires, hein, en matière de diplomatie, en matière préfectorale, en matière, au fond, tout ce qui met en jeu les compétences qui sont celles des grands corps d'État, on voit bien qu'il est la personne et la personnalité centrale du dispositif. C'est aussi un homme qui gracie ou confirme des condamnations, donc il a en quelque sorte un droit de vie et de mort hein, sur des personnes jugées pénalement. C'est également une personne qui préside le Conseil des ministres, donc au fond, l'institution présidentielle par là est constituée comme le point de gravité des institutions de la Ve République. Donc c'est une fonction politique extrêmement sensible, importante, et qui est en rupture complète, pour en comprendre la signification, avec la pratique et le texte de la 4e et surtout de la 3e République. Et c'est, au fond, le refus que le général de Gaulle, mais aussi autour de lui des légistes et des hommes politiques comme Michel Debré, ont voulu témoigner, c'est-à-dire le refus de ce président Godillot, de ce président inaugurant les chrysanthèmes, enfin, cette espèce de fonction palote et quasi honorifique qui était leur cible. Il y a une notion fondamentale dans l'incarnation du pouvoir, Jean-Baptiste de Scherff, c'est le charisme. Charisme, tel qu'on l'entend dans la vie quotidienne, c'est une sorte de don d'autorité. Alors, il y en a un qui croyait très fort en l'existence de ce don, c'est De Gaulle. Il en parle dans Le fil de l'épée. Et voilà ce qu'il dit. Le fait est que certains hommes répandent, pour ainsi dire de naissance, un flux d'autorité dont on ne peut discerner au juste en quoi il consiste, et dont même on s'étonne parfois tout en subissant les effets. Il en va de cette matière comme de l'amour qui ne s'explique point sans l'action d'un inexprimable charme. De Gaulle, lorsqu'il écrit Le fil de l'épée, il fait un portrait par anticipation de ce qu'il sera. Et implicitement, bien entendu, il se classe parmi ces gens qui sont doués de ce qu'il appelle le caractère dans Le fil de l'épée et qu'il associe à un certain don d'autorité. Et bien entendu, quand il fonde la Ve République, il a en tête cet enjeu de faire durer, par-delà sa personne, quelque chose d'extraordinaire. Le président de la République est conçu par De Gaulle pour être une sorte de miniature de grand homme ou de roi. Quelqu'un qui sera chargé d'incarner une sorte d'unité mystique de la nation. Quelqu'un qui, comme Napoléon, comme De Gaulle lui-même, serait au-dessus des factions, au-dessus des questions d'intendance aussi, des questions trop matérielles. Et par son exemple, De Gaulle, pas seulement par le texte de la Ve République, mais par son exemple, il définit en pratique ce que doit être le président de la République. Et il laisse quelque chose dans nos mémoires, qui s'avère d'ailleurs assez écrasant pour les successeurs, finalement, hein, qui vont continuellement par la suite souffrir de la comparaison. Alors maintenant, nous arrivons au magasin qui conserve, attention, qui conserve les archives, notamment la Ve République, où là, on va s'orienter vers les archives les plus anciennes qui sont librement communicables. Donc nous sommes dans la série des archives nationales 5AG1, donc le premier fonds présidentiel de la Ve République. On va montrer les manuscrits des discours du général. Belle reliure sur maroquin rouge. Vous pouvez voir, manuscrit du général de Gaulle. Vous êtes face à un président qui est un écrivain, qui rédige lui-même l'ensemble, quasiment l'ensemble de ses discours. Voilà, donc l'état manuscrit à l'encre. Le discours radio-télévisé du général de Gaulle du 23 avril 1961, suite à l'insurrection en Algérie, avec de nombreuses ratures, de nombreux repentirs, de nombreuses corrections. Alors, un pouvoir inconstitutionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ça, c'est la première version, vraiment. C'est la première version, le premier jet, là. Ces hommes ne doivent être suivis par aucun Français et d'abord par aucun soldat. Là, c'est rié et il passe directement au nom de la France, puisqu'effectivement, il incarne la France. Hein, donc, c'est pas la volonté des citoyens de décider ce qu'ils vont faire, c'est lui qui impose au nom de la France. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés. Alors, initialement, c'est pour leur barrer la route en attendant de les réduire, et puis il prend un style beaucoup plus direct, pour barrer partout la route à ces hommes-là, en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. C'est-à-dire que dans la première version, on est sur le fait que c'est, disons, le principe de la conscience individuelle du soldat citoyen, etc. Et on repasse au chef de l'État, chef des armées, qui reprend en main le contrôle avec ce discours. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Devant le malheur qui plane sur la patrie et devant la menace qui pèse sur la République, j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai au besoin directement les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Par là même, je m'affirme en la légitimité française et républicaine qui m'a été conférée par la nation, que je maintiendrai quoi qu'il arrive jusqu'au terme de mon mandat ou jusqu'à ce que viennent à me manquer soit les forces, soit la vie, et que je prendrai les moyens de faire en sorte qu'elle demeure après moi, Française, Français, aidez-moi. De Gaulle, il a été porté au pouvoir, au fond, en 58, parce qu'il semblait au-dessus des partis, hors des partis, et de nature quand même à résister à la bourrasque qui était celle la fin de la 4e République. C'est pour ça qu'on l'a porté au pouvoir. Donc, la guerre d'Algérie, effectivement, ne le laisse pas indifférent dès le début. On sait bien que dès le début, au fond, il a opté pour une certaine, peut-être pas indépendance tout de suite, mais en tout cas autonomie de l'Algérie. Et ce putsch lui permet de réapparaître en chef de guerre, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est pas un hasard si, à certaines occasions, il parle à la radio ou à d'autres occasions, il met son uniforme de général. C'est pour montrer que il sait aussi ce que c'est que lutter contre des hommes armés qui essayent de faire un putsch. Je crois que ça a été effectivement très important pour les Français de revoir le général, au fond, tel qu'il l'imaginait en 1940. C'est la seule occasion où il va se servir de l'article 16. Il est plein pouvoir. Oui, c'est une occasion quand même. L'article 16 est fait pour ça. On a oublié l'émotion considérable qui s'était emparée des gens. Oublié l'idée que les parachutistes pouvaient débarquer, que les tanks militaires pouvaient assaillir Paris si une partie de l'armée basculait. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de l'émotion en Algérie, du putsch en Algérie. Mais au fond, en France, il y a eu une réaction républicaine, entre guillemets, contre ce putsch. Et c'est vrai que Charles de Gaulle a incarné cette réaction républicaine. Oui, à la fois républicaine et militaire, c'est-à-dire en reprenant voilà ce rôle de chef de guerre et en même temps appelant les militaires à reprendre leur place. Et... Mais au bout du compte, ce que la gauche retiendra du général de Gaulle, c'est tout de même qu'il est arrivé à faire la paix à un moment, enfin dans un conflit où la 4e République et tous les partis confondus, mais aussi la gauche d'ailleurs, avaient été incapables de le faire. Et au fond, celui qui a fait la paix, c'est celui dont on s'est dit, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 58, qu'il venait lui aussi d'un putsch politique et militaire, et qu'il avait établi son pouvoir par ce que Mitterrand appelait un coup d'État permanent. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est exactement que l'article 16, Olivier Hill ? Alors, l'article 16 précise que lorsqu'il y a une menace grave sur l'intégrité du territoire ou lorsque le déroulement normal des institutions est menacé ou empêché, le président de la République peut déclarer donc par l'article 16 le fait que désormais il exercera les pouvoirs directement. Il prendra donc des textes d'un statut spécifique qui ne sont plus des textes législatifs, qui seront exécutoires immédiatement, seront soumises à un contrôle du Conseil constitutionnel, mais à un contrôle pour avis, ce qui permet du coup de pouvoir décider vite, de parer à des défis immédiats. Simplement, il faudra qu'au bout de 6 mois, c'est un dispositif qui avait été mis en œuvre en 1961, au moment de l'affaire algérienne, au bout de 6 mois, évidemment, les parlementaires retrouveront leurs prérogatives et pourront à nouveau se ressaisir de ces textes et leur donner cette caution législative qui permet seule de parler de loi, hein, et non plus de décision. Donc au fond, l'article 16 définit ce qu'on pourrait appeler une dictature légale, mais provisoire, appelée par les circonstances. Donc c'est un pouvoir considérable, hein, parce que évidemment pendant ces 6 mois, il n'est plus question de liberté publique, de droit de la presse, de contre-pouvoir, etc. Le président de la République peut prendre toutes les mesures qu'il juge utiles, ce qu'on peut appeler une dictature légale, voilà, mais provisoire. En raison de tout ce que nous avons ensemble voulu et réalisé à travers tant de peines, de larmes et de sang, mais aussi avec tant d'espérance, d'enthousiasme et de réussite, il y a entre vous, Françaises, Français et moi-même, un lien exceptionnel qui m'investit et qui m'oblige. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision ? Je réponds, par la plus démocratique, par la voie du référendum. Je vais donc bientôt vous le demander. Alors, comme toujours, c'est vous qui en déciderez. Vive la République, vive la France. Pourquoi ce suffrage universel qui apparemment donc joue un rôle important dans la légitimité hein, du président de la Ve République, pourquoi il intervient seulement en 62 ? Alors parce que en 1958, le général de Gaulle n'était pas en mesure de l'imposer. C'était une idée, on s'en rend pas compte, hein, mais qui paraissait à proprement scandaleuse. Hein. Le fait, en République, de désigner le chef de l'État par le suffrage universel direct, c'était revenir tout simplement aux pires errements du XIXe siècle, à toutes les expériences douloureuses hein, de césarisme et de bonapartisme. C'est bien entendu, en quelque sorte, le rappel de la politique par les plébiscites de Napoléon Ier, mais aussi de son neveu. C'est aussi le rappel des conditions dans lesquelles le président de la République s'était transformé en un dictateur après le coup d'État de décembre 51. Et donc, la doctrine républicaine s'était constituée dans une hostilité radicale, absolue, que l'on pensait définitive, hein, avec cette forme de légitimité par les urnes, directe. L'idée que le peuple, dans sa totalité, puisse désigner un homme présenté comme providentiel, au-dessus de la mêlée, qui allait comme ça détenir tous les pouvoirs et tracer le chemin du destin de la France, c'était anti-républicain. Et la Troisième République ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a, et on l'a vu notamment avec l'épisode boulangiste, elle a tout fait pour empêcher que surviennent des exercices ou des tentations de cette nature. Mais il va rester dans la mémoire de la République cette crainte de voir le suffrage consacrer une volonté politique qui soit menaçante pour les libertés publiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Gaston Monnerville, en 1962, parlera, le président du Sénat, de forfaiture à propos de cette réforme. Et il faudra que le général de Gaulle mette tout son poids dans la balance et procède par un référendum pour qu'on puisse, en quelque sorte, déverrouiller cette crainte. On peut comprendre que avec la guerre d'Algérie, les événements terribles qui ont secoué le pays à ce moment-là, la crise politique qui a suivi, on peut comprendre qu'il ait fallu à ce moment-là retrouver une sorte d'équilibre politique et en quelque sorte domestiquer la vie des partis par l'intervention d'un exécutif très puissant. Éviter l'instabilité, retrouver des fondements solides au cœur de la République. C'est un régime semi-présidentiel, disent les constitutionnalistes, qui formule désigne très bien le caractère très spécifique des rapports qui se nouent entre l'exécutif et le législatif, mais aussi le judiciaire. Contrairement au régime présidentiel, le président ne peut pas être démis par un acte législatif de défiance. Il est en quelque sorte irresponsable, on le sait sur le plan judiciaire, il détient une immunité, mais aussi il est en quelque sorte inattaquable constitutionnellement. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, pour le président de la République aux États-Unis, qui risque l'impeachment lorsque, par exemple, il a commis des faits très graves ou qu'on le suspecte de trahison ou de ne pas exercer sa fonction de façon correcte et décente, etc. Avec le suffrage universel, on parle de sacre républicain. Est-ce qu'il y a du monarchique dans la figure présidentielle de la Ve République, Patrick Garcia? Qu'est-ce qu'il y aurait de monarchique dans... On parle de monarque républicain pour oui. La Ve. On parle de monarque républicain dans la mesure où, avec l'élection au suffrage universel, le président de la République reçoit une onction populaire, infiniment supérieur à l'ensemble des élus. Il réunit sur sa personne plus de 50% de la population. Et en plus, la constitution de la Ve République lui donne une fonction, la fonction d'être le représentant de tous les Français au-dessus des partis. Ce qui, effectivement, peut renvoyer à une espèce d'idéal monarchique du père de la nation qui est là pour guider sa famille dans un souci d'équilibre et d'harmonie. Donc, effectivement, il y a la reprise d'un imaginaire du bon roi à travers la constitution de la Ve République, et surtout avec le fait que le premier de ses présidents était complètement hors norme, puisque de Gaulle avait déjà reçu l'investiture de l'histoire, qui est liée à son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, effectivement, on a cette figure hiératique. Et il reste d'autres éléments, évidemment. Il reste le droit de grâce, il reste l'idée du roi guerrier, chef des armées. On pourrait trouver comme ça toute une série d'éléments de continuité. Si on n'oublie pas qu'évidemment, ces éléments de continuité sont reconfigurés dans un autre cadre. Fanny Cosendet, cet héritage monarchique, il va se manifester comment sous la Ve République ? Alors, ce qui est frappant dans la constitution de la Ve, c'est le poids du chef de l'État, c'est-à-dire du seul, qui est ensuite secondé par un gouvernement, des assemblées, etc. Ce qui est, à bien des égards, le modèle de l'ancien régime, avec précisément le roi, puis ses ministres, les conseils, et le Parlement qui joue le rôle de cour de justice, mais aussi de conseil politique. Alors, on dit que le régime présidentiel français est un régime monarchique. À certains égards, c'est vrai, en réalité. C'est vrai parce que, alors même que la souveraineté du peuple est représentée par le président de la République, qui est élu au suffrage universel, celui-ci, du coup, incarne non seulement la France, mais le peuple tout entier. Et ça, c'est vraiment le modèle du roi de France qui représentait, incarnait son peuple à travers le pouvoir qu'il exerçait, sauf que le pouvoir, dans le cadre du roi de France, venait de Dieu. Sauf que, dans le régime présidentiel actuel, du coup, cette souveraineté qu'incarne le chef de l'État, on la retrouve dans, effectivement, le droit de grâce, qui est à peu près le même que le droit de grâce qu'avaient les rois de France, et notamment le droit de grâce qui s'exprime lors de l'investiture du président de la République, et quelque chose qu'on avait au moment des entrées royales après le sacre, Donc des moments exceptionnels, mais en même temps qui montrent la puissance du chef de l'État. Parce que ce soit le président de la République ou que ce soit le roi de France, s'il règne pas ou il ne gouverne pas par la justice, il perd absolument toute légitimité. Dans le 49-3, de la même façon que le roi était capable d'imposer à son parlement, lors des lits de justice, la décision qu'il avait décidé d'imposer en dépit des oppositions, on retrouve comme ça un certain nombre de choses qui sont directement issues de la posture dominante, supérieure, extraordinaire qu'avait le roi de France et qu'a le président de la République dans la Ve. L'article 16, donc les pleins pouvoirs, on peut le relier aussi à l'Ancien Régime ou ça c'est vraiment une création de... Alors, moi je pense que l'article 16 est là précisément parce que le président de la République n'a pas le même pouvoir que le roi de France. C'est-à-dire, il est là pour dire que, éventuellement, dans des situations d'exception, le président de la République peut s'imposer au-dessus des contraintes démocratiques de son élection. Alors même que le roi de France n'aurait pas eu besoin de l'article 16 parce qu'il est l'incarnation des pleins pouvoirs. Ça, c'est là une différence très forte. C'est-à-dire que la légitimité du président de la République ne tient que dans la mesure où il respecte le mandat qui lui est donné par les électeurs, par le peuple français, alors même, et que donc, en situation d'exception, il peut s'affranchir de cette légitimité. Tandis que dans le régime monarchique français, il est l'incarnation de la toute-puissance qui lui est donnée par Dieu, et donc son mandat est un mandat qu'il a vis-à-vis de Dieu et non pas du peuple lui-même. Donc là, on a vraiment... Au contraire, je pense que l'article 16 est exactement l'expression des limites d'un président de la République par rapport au monarque. Nicolas Mariot, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Comment vous le décririez, le président de la Ve République, par rapport à ses prédécesseurs ? Comme un monarque élu tout seul, sur un programme, donc une incarnation d'une figure dominante et surtout avec des pouvoirs considérablement élargis depuis 58 par rapport à ses prédécesseurs. À la fois, il leur ressemble énormément dans sa manière d'être, dans le palais dans lequel il vit, l'Élysée, qui est le même depuis les débuts de la Troisième République, ça n'a pas beaucoup changé. Du point de vue de ses sorties présidentielles et, en province, là non plus, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Ils ont tous un fief électoral, en général en province, d'où ils viennent, où ils retournent régulièrement, avec peut-être une différence, c'était De Gaulle qui disait « je suis partout chez moi ». La France, c'est moi, et d'ailleurs, c'est le seul qui a parcouru absolument l'intégralité des départements. Entre 58 et 62, il passe son temps, on pourrait dire, hein, à parcourir de façon systématique tous les départements un par un. En fait, il fait des tours des régions, des voyages régionaux, et puis vraiment, il fait cette France qui est la France post-révolutionnaire, la France de la Révolution après 1789. Hein. Il arrive dans la préfecture, et c'est là qu'il dort, toujours dans la préfecture, vous voyez, avec un étagement du pouvoir national très très marqué. Il mange le midi dans une sous-préfecture, et puis il fait descendre le député à chaque frontière de circonscription, et puis il marque bien l'arrêt à chaque sortie de département, il fait des tours en voiture, hein, et il s'arrête, il fait descendre le préfet, monter le préfet de l'autre département, etc., etc. Il marque vraiment la délimitation administrative du pays, et il essaye d'aller... de s'arrêter le plus possible, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une commune si possible. Il n'y arrive pas parce qu'il y a trop de communes, mais vraiment, il essaye de faire des haltes et de marquer la pause partout, de dessiner un territoire parfait, absolument complet, en disant vraiment, la France, c'est moi, j'incarne le pays, je suis partout chez moi. Je n'ai pas de lieu particulier, vous voyez, là encore, pour se différencier des autres, en disant, moi, je suis bien au-dessus, hein, je suis au-dessus des partis, c'était sa formule préférée, et je suis aussi toute la France. De nous séparer. Tous ensemble, chantons l'hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Voilà ce qu'écrit Charles de Gaulle dans Mémoire d'espoir. Chaque département est parcouru tout entier, du matin au soir. Dans toutes les localités, grandes ou petites, où je m'arrête, l'attroupement populaire est chaleureux, l'ambiance joyeuse, le pavoisement tout chaud. Sur les routes que je suis, les gens viennent en grand nombre pour applaudir. Où que je prenne la parole en public, retentissent d'ardentes acclamations. Toutes les Marseillaises que j'entonne sont chantées en chœur par toutes les voix. Quand je me mêle à la foule ou vais à pied par les rues, tous les visages s'éclairent, toutes les bouches crient leur plaisir, toutes les mains se tendent vers moi. Dans chacune de ces contrées, notre pays se donne ainsi à lui-même la preuve spectaculaire de son unité retrouvée. Il en est ému, ragaillardi, et moi, j'en suis rempli de joie. Vive la République ! Vive la France ! L'introduction du suffrage universel, Jean-Baptiste Dechef, ça va être pour De Gaulle une manière d'incarner encore plus la nation ? C'est la suite logique de la Constitution de 58. Le président est conçu pour incarner la nation. Cette âme de la nation, du point de vue de De Gaulle, elle est dans la population. Et donc c'est la population qui peut valider en quelque sorte l'existence d'un lien particulier entre le président et elle-même. Ce qui passe à la trappe en 62, c'est la conception du président arbitre qui était... dans la Constitution de 58, ça partisanise en quelque sorte le président, hein, cette Constitution, le fait qu'il puisse se présenter comme un candidat. Pour autant, il s'agit toujours de rester en dehors des partis. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle a toujours pris soin de ne pas trop s'aventurer dans ce qu'il tenait pour la politique quotidienne. En 1965, pour sa réélection par exemple, il refuse jusqu'au dernier moment, il finit par céder aux pressions, mais il refuse jusqu'au dernier moment de faire campagne. Il faudrait pas ressembler à un Mitterrand ou à un Le Canuet à l'époque. Il ne fallait surtout pas, de son point de vue, que ça ressemble à de la politique ordinaire. Et pour éviter ce qui serait, de son point de vue, une chute, il s'est fixé certains interdits. Par exemple, quand il est chef du RPF, il interdit aux députés de participer à l'action gouvernementale. Parce que sinon, son mouvement deviendrait un parti comme les autres. Inversement, pour rester ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un grand homme qui a un rapport particulier avec les Français, il a besoin d'aller vers une certaine dramaturgie du pouvoir. Les grands contacts avec la foule, qu'il raconte dans sa mémoire comme... l'expression d'un courant enchanté. 1944, c'est là que ça commence, c'est la première fois. Et De Gaulle arrive face aux Champs-Élysées, il dit cette formule qui restait dans les mémoires, « Ah, c'est la mer hein, !» C'est la mer, et c'est là qu'il parle de ce courant enchanté, de ces heures miraculeuses de l'histoire de France dans lesquelles l'essence des choses se révèle. Parce que pour De Gaulle, l'essence des choses, ce qui fait que la France est la France, etc., les instincts, en quelque sorte, de la population, c'est caché dans le quotidien. Il faut des grandes heures, des hautes heures, et donc la présence d'un danger, toujours, hein, pour que ça ressorte. De Gaulle va à la foule pour constater qu'il existe quelque chose d'extraordinaire entre lui et les Français. Ce rapport à la foule, pour De Gaulle, il remonte à ce jour du 26 août 44 aux Champs-Élysées, Nicolas Mariot. Oui, il a toujours, lui, essayé de faire ça, vraiment dans cette idée que, vraiment, où il essaye de rejouer un truc très très monarchique là, moi et le peuple français. C'est-à-dire, je suis celui qui s'est levé, en partant à Londres, etc. Et je prétends effectivement incarner à moi seul, dans ma personne, le peuple français. Donc effectivement, il rejoue évidemment la descente des Champs-Élysées de la libération en 44 et tous ces moments-là qui restent évidemment gravés dans la mémoire nationale, c'est évident. Donc effectivement, ensuite, il va rejouer ça, le refaire à nouveau en 68, enfin bon, à différentes occasions, hein, il va refaire ça. Bon, il avait la chance aussi de pouvoir se servir de son corps, hein, il était très très grand, il dominait tout le monde, même avec une immensité, un nombre de gens considérable, en quelque sorte, on ne voyait que lui, hein, avec une très haute stature au-dessus des gens qui, à l'évidence, le servaient. qui plus est dans son costume quand il se promenait en costume militaire de sauveur de la nation, etc., etc. Jean-Baptiste de Cherf, comment De Gaulle entretient ce dialogue avec la nation? Par quel biais? Les référendums, bien sûr, qui sont là pour attester de façon régulière que ce qui se passe entre lui et les Français est particulier. Il a laissé cette formule, déclaration privée, que je trouve assez parlante à cet égard. Il dit « Je n'ai jamais fait de politique. Il est vrai que j'ai dû démissionner afin précisément de continuer à n'en point faire. » Il est vrai que De Gaulle s'en va trois fois. 46, moment où il sent que son pouvoir risque de se compromettre dans ce qu'il appelait le jeu des partis, début des 50, la fin du RPF, et puis bien évidemment 69. Hein, le désaveu des Français, il ne pouvait pas... Enfin, il aurait pu rester président, mais il eût été un président comme les autres. Et c'est là qu'est la différence, sans doute, entre De Gaulle et ses successeurs. Mitterrand reste, malgré la défaite de 86, aux législatives. C'est ce goût pour la théâtralité qui va le lier à Malraux, vous pensez, Jean-Baptiste de Cherf? Ce goût pour la théâtralité l'isole d'une bonne partie des gaullistes, qui dans l'ensemble sont des gens sobres, des bourgeois bien intégrés dans la société. Et en revanche, ça crée une espèce de connivence avec Malraux. Il est indispensable que chacun sache que la Ve République n'est pas la Quatrième plus le général de Gaulle. Elle implique à la fois la confiance dans le général de Gaulle et la confiance dans la France. Le moins qu'on puisse dire de nos prédécesseurs, c'est qu'ils n'ont été prodigues ni de l'une ni de l'autre. Résumons, il s'agit de savoir où la France peut trouver la meilleure voie de son action, les meilleurs instruments de son destin. Il y a d'un côté un fait historique, accidentel soit, puisque le général de Gaulle aurait pu être tué avant 1958 ou au petit Clamart. Un homme chargé pour le monde entier de l'honneur que donne le souvenir de la plus grande fermeté dans le plus grand malheur, et uniquement soucieux du destin de la nation, a reçu des Français depuis 7 ans la charge de ce destin. Il peut l'assumer encore avec sa gloire et ses faiblesses. Il ne s'agit pas d'un pouvoir personnel, il s'agit d'un pouvoir historique. Ce pouvoir est au service de la France et elle aurait tort de s'en priver. Malraux, il arrive, il rejoint De Gaulle avec une conception du grand homme qui est fondamentalement la même que celle de De Gaulle. Hein, conception romantique disant que le grand homme, c'est le porteur de l'âme du pays, une âme enfouie. Et dans la mythologie romantique, au moment où le peuple, si les circonstances le permettent, entre en contact avec son incarnateur, avec celui qui est porteur de son âme, ils se reconnaissent presque magiquement. Si on lit les discours que Malraux faisait en tant que tribun au RPF, c'est toujours cette thématique-là qui revient. Le peuple se reconnaît en De Gaulle, se reconnaît en De Gaulle. Et ça serait ça pour vous alors, l'incarnation présidentielle, Jean-Baptiste de Cherf? Ça serait cette rencontre où on est là effectivement dans un romantisme échevelé? Il y a dans la conception de la Ve République cette idée-là. Le président doit être une sorte de miniature de grand homme de roi, c'est-à-dire que il doit être dans une relation particulière avec la population. Il est d'emblée dans un rôle qui le met à part. Et la question est de savoir si ce rôle peut être porté après De Gaulle. Eh bien, l'ombre de De Gaulle plane. Elle plane, c'est-à-dire que les présidents suivants ont toujours été victimes de la comparaison avec De Gaulle. Et pourtant, au fil du temps, De Gaulle va ressentir une certaine lassitude. Il se sent dans une époque, c'est ce qu'il écrit dans ses mémoires d'histoire, de toutes parts sollicité par la médiocrité, où les grands enjeux vont s'estompant, où il n'y a pas la même le même drame, le même danger vital que durant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été observé, à juste titre, qu'il avait une certaine façon de créer du drame, c'est-à-dire de rechercher en quelque sorte cette atmosphère des hautes heures de l'histoire dont il a émergé et dont il avait besoin pour que son pouvoir reste ce qu'il voulait. Et on a ces mots très significatifs qu'il dit au début de l'année 68, en privé bien sûr, « Je m'ennuie, il n'y a plus rien d'héroïque à faire ». On peut peut-être parler de son départ, de la manière dont il va partir. C'est laconique, hein, un petit communiqué le lendemain du référendum disant « Je cesse d'exercer mes fonctions, pas d'au revoir ». Et un De Gaulle qui pendant le peu de temps qui lui reste à vivre, va se montrer profondément mélancolique. Le 27 avril 1969, les Français disent non par voie de référendum à De Gaulle, qui démissionne sur le champ. Michel Cotta raconte ce moment dans les cahiers secrets de la Ve République. 53% des Français hier ont dit non à De Gaulle en toute connaissance de cause. Personne n'a bougé dans la nuit du 27 avril. Personne ou à peu près, quelques gauchistes ont manifesté bruyamment au cours d'une petite manif en se félicitant de la fin de De Gaulle. Pourtant, je n'oublierai jamais mon désarroi ce matin. J'avais l'impression confusément que la vie dans la rue pouvait s'arrêter puisque De Gaulle n'était plus là. Je me demandais si les Parisiens allaient sortir pour se lamenter publiquement du sort qu'ils avaient eux-mêmes réservé à De Gaulle, s'ils n'allaient pas avoir peur du vide créé par son départ. Je craignais je ne sais quoi, je me le demande encore ce soir. Un sanglot général, une panique à l'idée que la Ve République, désormais, n'est plus son chef historique à sa tête. Ça fait des années qu'à l'Express et ailleurs, je suis entourée de gens qui combattent De Gaulle. Moi-même, je suis loin d'avoir cédé aux sirènes gaullistes. Pourquoi alors cette impression que rien ne sera plus jamais comme avant ? Il faut dire que De Gaulle et les gaullistes sont au pouvoir depuis que j'ai l'âge de 20 ans. J'ai toujours vu De Gaulle au pouvoir. L'idée qu'il ne le soit plus me bouleverse. Curieuse réaction pour quelqu'un qui a voté non. Nous savons bien que quel que soit le président de la République de demain, il ne pourra prétendre ni au prestige historique, ni au prestige international, ni au prestige national du général de Gaulle. Et les adversaires le savent aussi bien que les gaullistes les plus ardents. À partir du 27 avril au soir, l'ombre de De Gaulle va planer sur les élections à venir, à l'image de Pompidou, pendant la campagne présidentielle. Dès lors, le président de la République, pour garder l'essentiel de ses pouvoirs, le président de la République se devra d'être en contact beaucoup plus étroit avec les élus. Ce n'est point parce que j'ai changé d'avis que je le dis. C'est parce que un président de la République qui n'est pas le général de Gaulle ne peut pas gouverner comme le général de Gaulle. Et qu'il doit remplacer au maximum par le contact, le dialogue et la persuasion la force que le général de Gaulle tenait de sa stature et de l'histoire. Est-ce que la difficulté, Michel Cotta, pour les présidents qui vont le succéder, ce n'est pas de sortir de l'ombre de De Gaulle ? Assez rapidement, vous avez raison pour le premier d'entre eux, par exemple sur Georges Pompidou. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si immédiatement après avoir été élu, de ses premiers actes est de dire que lui étant président, la présidence reste la clé de voûte de la Ve République. Parce que, justement, il a peur qu'on dise, ah ben voilà, le grand homme est parti, qu'est-ce que sera Georges Pompidou ? Il dit tout de suite, je m'installe dans ce rôle-là. Valéry Giscard d'Estaing C'était déjà autre chose, l'image du président, qui était importante pour lui, puisqu'il avait été son ministre. Mais l'image du président s'est déjà un peu éloignée. Et au contraire, Valéry Giscard d'Estaing apparaît comme différent, et vraiment différent sur le fond et sur la forme. Dans l'allure, dans l'attitude et tout ça, il est profondément différent. Il modernise un peu tout l'espèce de rituel. Bizarrement, comparé à De Gaulle, c'est François Mitterrand. Parce que il y a entre eux, c'est ça, le monarque républicain, c'est ça qui est, donc. Mais c'est la seule, c'est le seul point commun. Comme vous savez, François Mitterrand a beaucoup combattu dans des livres et puis dans des écrits, dans des meetings, a beaucoup combattu Charles de Gaulle. Mais c'est peut-être les deux seuls à qui finalement sur lesquels s'est collé un peu l'habit du président de la République et l'habit du général de Gaulle. Cette image du monarque républicain, Patrick Garcia, elle est constitutive du président de la Ve ? En même temps, cet héritage monarchique, il est problématique. Parce que quand même, à un moment donné, comment l'incarne-t-on ? Bon, pour De Gaulle, il y a une naturalité de l'incarnation. Bon, de toute façon, il est convaincu qu'il est la France. Et il parle la France. Les choses vont se compliquer dans le moment des années 70, ce moment où il y a la volonté de moderniser, de mettre à niveau les institutions de la Ve et la société de l'après 68. Et à partir de là, quelle politique symbolique ? La façon de l'incarner, c'est le recours symbolique, c'est le recours au rituel. Est-ce suffisant ? C'est une question, mais en tout cas, on voit bien que se développe à partir de dans l'après-Giscard une espèce de volonté de réarmement symbolique de la République, la carte que va jouer Mitterrand avec le retour des panthéonisations, avec une prise au sérieux de la question du rituel. Être président, c'est créer les conditions d'un discours de la France. Et d'une mise en scène en prononçant le discours de la France. Ce président au plein pouvoir qui a été créé à un moment où la France était en pleine crise politique, au moment de la guerre d'Algérie, est-ce que ça a toujours un sens aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, on touche les limites de ce dispositif. D'abord parce que cette élection, on le voit bien, a perdu largement de son sens, n'est pas De Gaulle qui veut. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des périls de cette nature autour de nous. Et puis surtout, les dérives de ce présidentialisme, aujourd'hui sans frein, ben on les constate pratiquement à chaque élection et pratiquement à chaque expérience nouvelle. On voit bien que ce qui aujourd'hui fait défaut, principalement dans ce pays, c'est un parlementarisme digne de ce nom, avec des députés et des sénateurs qui accomplissent complètement leur mission, contrôler l'appareil d'État, voter le budget, définir la loi. Je rappelle que la plupart des lois qui sont adoptées viennent de l'exécutif et non pas des parlementaires, que le Parlement a un rôle de contrôle extrêmement réduit si on le compare à ce qui se passe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Il est très largement, au fond, bâillonné, ce Parlement. Il est peu visible des Français. Bref, c'est une chambre d'enregistrement. Et du coup, l'exécutif étant tout puissant, eh bien, il y a en quelque sorte un déséquilibre au cœur des institutions dont nous pâtissons. Olivier Hill, en même temps, on a l'impression que le président est de plus en plus démuni. Et on a le sentiment que l'institution présidentielle est frappée d'une sorte d'atonie, une espèce de mal qui la ronge comme ça, et qui contribue petit à petit à paralyser ce géant, ce colosse qu'était le président. Alors, qu'est-ce qui paralyse ? C'est beaucoup de choses. C'est évidemment des évolutions socio-économiques, la presse, qui joue un rôle beaucoup plus important que dans les années 60 et même 70. Mais c'est aussi évidemment le rapport des citoyens à l'État. C'est évidemment le rôle des partis qui s'est beaucoup affaibli sous la Ve République. C'est aussi la manière dont les derniers présidents de la République ont voulu emblématiser ce rôle, casser les codes. On se souvient que Nicolas Sarkozy a vraiment tourné le dos très explicitement à cette dimension régalienne, au fond, et un peu austère d'exercice du pouvoir. François Hollande s'est revendiqué d'une présidence normale, ce qui était déjà une façon de dire je n'entrerai pas dans ces fausses grandeurs ou ces vanités d'institution pour essayer de privilégier, au contraire, une politique de la proximité et non pas de la gravité ou de la majesté. Hein, le mot est très important. La majestas, c'est tout ce qui rassemble au fond les signes d'importance d'une institution et qui l'exauce, qui lui donne une espèce de grandeur comme ça, quasi surnaturelle. Eh bien, cette dimension sacrale, elle a été largement refoulée et on est entré dans une espèce de présidence plus bonhomme. Et c'est aussi évidemment un mal qui mine cette institution. Et puis il y a sans doute aussi quelque chose qui a trait à la fonction elle-même, c'est-à-dire que le chef de l'État lui-même apparaît comme un acteur qui ne fait plus face à l'histoire de manière souveraine, comme ça avait pu être le cas encore sous la 4e ou au début de la 5e République. Aujourd'hui, la manière dont le politique que le président de la République incarne par excellence peut, par exemple, soumettre l'économie, soumettre les relations internationales, organiser les transformations sociales, apparaît quand même beaucoup plus problématique. On le sait, le politique montre son impuissance dans toute une série de domaines. On a parlé du chômage, par exemple, qui est un des grands échecs des politiques conduites par les chefs d'État depuis plusieurs mandats. Mais aussi, on le sait, la construction européenne contribue à banaliser l'expérience de cet exécutif républicain en le rendant, au fond, exceptionnel au début, puis singulier après, et puis maintenant presque anormal, on peut le dire. Donc il y a quelque chose qui est de cet ordre d'une forme de banalisation de la parole elle-même. Et puis il y a sans doute aussi le fait que les élections intermédiaires rongent la légitimité présidentielle de manière maintenant quasi systématique et de manière très rapide. Cette onction populaire qui a longtemps été la marque de fabrique de la Ve République, révisée, c'est-à-dire après 62, le fait que ce chef de l'État ait été élu par l'ensemble du pays, aujourd'hui par près de 40 millions de personnes, cette légitimité, aujourd'hui, elle défaille très vite. Parce que dès les premiers scrutins, mais dès les premières enquêtes d'opinion, dès les premières maladresses de gouvernement, on voit bien que très vite, il doit rendre des comptes, il est sur la défensive, il perd de sa superbe. Mais le problème, c'est est-ce que le président de la Ve République, est-ce que être un président selon la Ve République correspond à l'époque? C'est plutôt ça la question qu'on devrait se poser. C'est-à-dire que je crois que cette image du père de la nation, tout puissant, qui décide, qui a une vision seule et qui porte en lui-même toute l'histoire de France, d'abord, elle est peut-être inatteignable. Et puis, elle ne correspondait peut-être plus à l'époque que nous traversons. C'est plutôt ça sur lequel on peut s'interroger. Aux origines, à l'ombre de De Gaulle. Avec Olivier Hill, Jean-Baptiste Decherf, Fanny Cozendet, Jean-Pierre Batte et Maximilien Girard des Archives nationales, Michel Cotta, Nicolas Mario, Patrick Garcia et Raphaël Baquet. Extrait de Mémoire d'espoir de Charles de Gaulle et des Cahiers secrets de la Ve République de Michel Cotta. Prise de son, François Rivalan et David Federman. Un documentaire de Christelle Le Polatec et Vincent Deck pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant de voter, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, rêver le voyage et fantasmer le luxe les dimanches à Orly. Mais en attendant, restez à l'écoute.